Bilan. Page 50. Activité 1. Piste 38. Bonjour Pierre. Salut Nadia. Tu sais où est la prof, Madame Coutel? Elle est dans la salle des professeurs. Où est la salle des profs? C'est la salle près de la cantine. Merci. De rien.